Sur la plage, je suis né dans la poussière et la peur. Maintenant la mer m'appelle, j'entends battre son cœur. Un oil rig dressé, noir dans l'horizon. Cowboy dans Rust, j'porte ma malédiction. Les hélicos grondent, les gardes m'espionnent. Mais ma botte résonne et mes balles résonnent. Un baril s'ouvre, l'acier crache du feu. Chaque loup volé, c'est la fin pour eux. Des ombres bougent, d'autres joueurs approchent. Leurs torches dans la brume, leurs cris qui s'accrochent. Mais je suis le cowboy d'acier, ma voix fait plier. Far West ou Rust, nul ne peut m'arrêter. Oil rig en flamme, cowboy never falls. Rust forge ma légende, j'entends leur calls. From shore to steel, I claim the crown. Rider skill rides, all rivals drown. Je vois des silhouettes tombé dans la houle. Chaque tir résonne, chaque pas s'écroule. Comme un duel au soleil, mes balles sifflent l'air. Un oil rig conquis, cowboy solitaire. S'ouvre, je ramasse les clés. Sous le feu et le sang, je continue d'avancer. Un cow-boy perdu dans un monde d'acier. Rust ou Far West, je viens tout emporter. Les flammes se lèvent, le ciel est rouge. La mer s'agite, le silence bouge. Un oil rig brisé, un trône de fer. Rider skill règne, cowboy légendaire. Oil rig en flamme, cowboy. Plage aux plateformes, j'ai suivi ma loi. un cow-boy dans rust et le monde plie sous moi.